En 2007, de la tournure qu'a pris la mobilisation contre le CPE. Et du coup, j'ai tout arrêté. Tout ce qui était militance, politique, j'ai arrêté. Et je me suis posé. Et du coup, j'ai. 2, 3 ans après, je me suis dit, tiens, je vais militer ou dans la musique. Voilà, tout d'abord j'ai fait un festival, ensuite j'ai créé un groupe de musique punk où on fait plutôt de la contestation. On conteste tout ce qui se passe en France aujourd'hui. Voilà. Donc je vais commencer mon intervention. En fait c'est simple, j'ai choisi une période, c'est en Angleterre, donc c'est la période Thatcher. Où j'ai un peu de mal, faut que ça sorte, j'ai pas l'habitude de parler à un public. Où il y a une contestation au niveau des artistes, au niveau des artistes qui est assez impressionnante. Voilà. Donc ça va pas parler que de punk puisque il y a aussi les rockers, les Jamaïcains, donc le reggae qui ont une forte poussée politique, mais réellement. Vous allez comprendre. Donc dans un premier temps, il n'y a pas de contestation, c'est les mouvements musicaux sont plutôt dans les années 60 tournés vers oui ça reste contestataire mais prendre la paix par rapport à la guerre du Vietnam tout ça alors on va partir direct dans le vif du sujet en 74 73 il y a le choc pétrolier. Donc une énorme crise qui touche tout le monde en fait. Et du coup en Angleterre, c'est le Parti travailliste qui est au pouvoir. Il y a une crise qui touche toute la société. Hein? Non, c'est en 74. Non, c'est en 78 qu'elle arrive au pouvoir. C'est en 78 qu'elle arrive au pouvoir. Thatcher. Non, bon, je fais une introduction qui est un peu longue. J'en étais où? Oui, donc 74 commence à émerger un mouvement de contestation. Bon, que vous connaissez tous, c'est le punk. Il y a de plus en plus de. Il faut savoir que à cette époque, malgré qu'on soit en crise, vu que c'était un gouvernement travailliste, ils avaient mis en place des bourses pour les jeunes pour qu'ils puissent rentrer dans des écoles d'art. Et donc, beaucoup de ces jeunes ont profité de cet argent pour ben, se lancer dans l'art. Il y a l'émergence des squats. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes contestataires qui émergent de ça. Et donc, on va aller plus vite. En 78, Thatcher arrive. Avec tout ce qu'on sait, elle commence à mettre en place une politique ultra-capitaliste. Donc il y a une marche vers le nucléaire à fond. La casse des grèves. Il y a la censure aussi au niveau des radios, des télés, parce qu'il faut savoir que tous ces groupes contestataires passaient beaucoup beaucoup à la radio. Il y avait une émission à la BBC où ils avaient la parole et pouvaient dénoncer la société. Donc le mouvement punk passe de la contestation au message politique et se politise à fond de 78 donc à peu près 81. C'est l'ascension du mouvement punk, c'est son apogée. Ils sont même utilisés par les travaillistes pour promouvoir des idées de gauche et lutter contre Thatcher. Je vais lire un petit passage. Pour que vous compreniez ce qui a pu se produire. C'est Stand Down Margaret, l'engagement de la musique populaire britannique contre les gouvernements de Thatcher. Parce qu'il y en a eu 3 de gouvernements de Thatcher. Alors, c'est Bertrand Lemonnier qui signale l'existence de 3 principales cultures d'opposition en Angleterre. Donc il y a les collectivités locales, je vais lire, je cite. Les travaillistes se sont si bien implantés dans les collectivités locales que leur gestion fut qualifiée de socialisme municipal. Le conseil du Grand Londres incarne la résistance locale au pouvoir central. Le pouvoir central, Margaret Thatcher. Les thèmes de la nouvelle gauche, pacifisme, antiracisme, protection des minorités sociales, etc., y trouvent une tribune de choix et le Counting Hall se mue en théâtre de rencontres entre syndicalistes, militants homosexuels et chanteurs pop. Voilà. Il y a aussi il se passe aussi un truc, c'est le pacifisme militant et l'écologie. Ils se sont symbolisés par la résurgence de la CND, la campagne du désarmement nucléaire. Voilà. Ensuite, il y a un troisième point, c'est le rock et les comportements associés. Donc, c'est... il y a une émergence. On voit un engagement des stars rock dans de plus grandes causes politico-humanitaires. La crise économique et le chômage font apparaître des groupes à l'image sombre, voire désespérée. Donc là, c'est The Cure, Joy Division. Voilà, je vous conseille d'aller écouter leurs chansons. Et aussi un peu de fraîcheur mélodique, dont les textes et mélodies reflètent un climat social d'incertitude, sans pour autant recouper une forme de revendication politique. La revendication politique, elle arrivera plus tard. Dans le troisième point. Donc là, on arrive en 1981. Là, il y a... Donc, comme tout mouvement contestataire, il n'y a pas de... On dénonce, mais on ne propose pas. Et du coup, les textes, c'est... Les textes tournent en rond. Et au final, le mouvement punk décline. On peut dire qu'à partir de 85, ne représente plus que le passé, quoi. Dans un deuxième temps. Il faut savoir qu'il n'y avait pas que le mouvement punk, il y avait aussi le RAR, c'est Rock Against Racism, qui a commencé à exister dans les années 60 et qui est arrivé à son apogée lors des... Euh, lors des manifestations raciales qu'il y a eu en Angleterre dans les années 70. Voilà, le rare, en fait, c'est était beaucoup plus politisé, je dirais, que le mouvement punk, parce que il avait pris des positions politiques par rapport au National Front et s'était même engagé avec les travaillistes pour faire barrage au National Front, donc le Front National anglais. Il organisait des concerts où pas mal de gens venaient. Mais par contre, ce qui s'est passé, pourquoi les travaillistes sont perdus, c'est parce que Thatcher a racisé son discours et donc a pu prendre des voix au National Front. Et donc Thatcher repasse une deuxième fois. Par contre, durcit sa politique au niveau des minorités, pardon, merci. C'est juste que j'ai un petit trou. Durcit sa politique au niveau des minorités. Le rare voit comme je dirais le mouvement punk voit sa fin arriver. Parce que ayant perdu le Parti travailliste ayant perdu les élections, il n'a plus de. Je dirais pas qu'il a plus de but en soi, mais disons que il y a un ralentissement. Par contre, vu que Thatcher s'en prend aux minorités, il y a le mouvement reggae qui va fusionner avec le rare, et ça va donner des groupes de ska comme The Specials, et y a même dans le mouvement post-punk qui est arrivé dans les années 82, y a aussi dans ce mouvement-là des répercussions au niveau du reggae et tout ça, voilà. Donc, 85, troisième, en 85, on va dire qu'on passe à une troisième phase, et ça s'appelle The Red Wedge. C'est des artistes qui, là, décident carrément de participer, d'aider les travaillistes à essayer de gagner les élections en 87. Donc ça se résume en quoi ? C'est des tournées de concerts qui commencent dès 85, où les messages sont hyper politisés, où on veut vraiment vraiment foutre dehors Thatcher, et on travaille en symbiose avec le Parti socialiste. En 86, le Red Wedge est tellement politisé qu'il pense à se séparer du Parti travailliste qu'il trouve trop mou. Et du coup, faut dire que les élections, c'est en 87. Et du coup, ça fait peur au Parti travailliste qui ne veut pas se séparer de cette force-là parce que ça représente 16% des votes. Donc, une marge assez forte. Donc Thatcher et les conservateurs vont réprimer, vont censurer à fond ce mouvement-là. Mais comme ils continuent à faire leur tournée, ça donne l'impression que ça monte. Arrive 87 et finalement Thatcher repasse et le Red Wedge s'arrête. Comme tous les autres mouvements, s'arrêtent. Voilà. Il y a quand même. Faut savoir que. Ensuite. L'Angleterre, c'est. Il y a plein de bruit. Donc, du coup, j'ai un peu de mal. Après, il faut dire que c'est un peu le bordel parce que je suis punk moi-même et donc du coup, je me suis pas préparé, j'ai fait ça un peu à l'arrache, je suis vraiment désolé. Mais la prochaine intervention que je ferai samedi prochain sera nettement mieux préparée. Donc, en Angleterre, il y a aussi cette culture des concerts pour les causes humanitaires. Le plus gros concert qu'il y ait eu, c'est en 88 à Wembley. C'était un concert de soutien à Nelson Mandela et donc à l'ANL. Il y a plein de groupes de rock, de ska, de punk qui soutiennent cette cause. Parce qu'il faut savoir que le gouvernement britannique, donc Thatcher, soutenait l'apartheid. Et donc du coup, là aussi, concert de soutien, mais concert de soutien hyper politisé, quoi. Voilà. Je vais arriver à me concentrer. Je pense que j'en ai fini là. En 87, Thatcher passe. Il y a encore des mouvements de contestation, ça ne s'arrête pas. Mais on peut dire que ça s'est essoufflé. C'est pas la force, ça n'a plus la force que ça avait dans les années 80. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions, allez-y, parce que là, je n'arrive pas à me concentrer. Et je pense que j'arriverai à mieux répondre si vous en avez, quoi. Merci beaucoup. En effet, le contexte est un peu difficile. Mais tu as quand même réussi à tenir un fil, donc bravo. Donc du coup, on va passer à la partie débat. Donc tout le monde est le bienvenu, la bienvenue pour... vous levez la main, je vous donne le micro. Si vous avez des questions, des remarques, des choses à ajouter, n'hésitez pas. Ouais. Hein ? T'avais aussi une question ? Non ? Ok. Moi, j'ai entendu dire que les Clash avaient été créés par un gars qui voulait vendre des vêtements et qui les avait regroupés un peu en mode nouvelle star. Il en a chopé quelques-uns, les a habillés avec ses vêtements et les a foutus sur la scène. Enfin, je sais pas si c'est une légende urbaine ou pas. Ouais, c'est vrai. Joe Strummer, c'est pas un punk à la base, c'est un gros hippie, squatter, voilà. Mais il chantait super bien, et il jouait bien de la gratte. Cette personne-là, dont j'ai oublié le nom, lui a demandé si ça l'intéressait de venir jouer dans un groupe. Les Clash se sont montés vraiment comme tu le dis. Si on parle du groupe lui-même, il a commencé à émerger à partir des années 80 et à devenir vraiment un vrai groupe contestataire à partir de là. Sinon, avant, c'était on peut appeler ça un boys band, les premiers boys band. Notamment les Sex Pistols, c'est un boys band dans le même principe que les Clash, monté de toutes pièces, contestataire à 2 francs, parce que c'était vraiment le truc de l'époque. Ils s'habillaient en Asie juste comme ça pour faire de la provoque. Voilà. C'est pas de ces groupes-là que je parle, hein, c'est vraiment. T'as les Smiths. Avec Morrissey qui lui pas plus travailler ce que lui y a pas quoi et puis il a au niveau de ses paroles il prend des engagements par contre un conservateur Sting même dans Police c'était vraiment un ultra conservateur. Il a commencé à se réveiller lui quand il a pas compris pourquoi Thatcher tapait sur la grève des mineurs. Voilà. Et là, il a commencé à s'éveiller, à prendre conscience qu'il y avait quand même quelque chose qui se passait. Il est anti-nucléaire. Et donc, il ne comprenait pas la politique nucléaire de Thatcher. Voilà. D'autres questions ? Après, j'ai envie de vous lire un petit truc, un passage qui me fait... qui montre combien les groupes punk étaient abusés, désabusés. Donc du coup, c'est Joe Strummer qui dit... Alors... Quand on veut détruire le système, on a intérêt à avoir une solution de rechange qui marche. Au bout du compte, je ne dois pas me voiler la face. C'est peut-être à cause de cette confusion, de cette impasse idéologique, que les clashs, que le clash a fini par exploser. On avait tout dit, on avait craché notre dégoût de ce qui n'allait pas dans notre société, mais on ne pouvait pas aller plus loin. On n'avait pas de solution constructive à proposer, à moins de se répéter éternellement dans le vide, il valait mieux arrêter. Voilà. Donc ça résume vraiment ce que je disais tout à l'heure, que le mouvement punk s'est essoufflé, a eu 2 ans où, la contestation, et puis après, pas de proposition derrière, en vol. Et du coup, un essoufflement qui s'est passé sur 5 ans, et qui, quand même, a noté, a donné le mouvement, les Red Waves, parce que Morrissey, après s'être séparé des Smiths, parce que tous les groupes punk ont commencé à se séparer en 82, après s'être séparé des Smiths, s'est engagé politiquement dans le Red Wave. Voilà. Après, ce qui est bon à noter... c'est que depuis les années 2000, il y a une résurgence du mouvement punk. Alors moi, je m'amusais à me dire, ils ont besoin d'argent, donc ils se remontent, et puis voilà. Et puis quand on voit tout ce qui se passe et l'évolution que prend la société, on se dit, mais en fait, c'est normal qu'ils reviennent, quoi, parce que franchement... Il y a vraiment de quoi contester, quoi. Vu toutes les pratiques et toute la politique qui est en train de se mettre en place. Voilà. Après, j'ai pas parlé de la France parce que le mouvement rock'n'roll en France, il est contestataire, mais il est très écrasé parce qu'en France, le mouvement punk et rock est plutôt très underground. Voilà. C'est avec les BRU et bizarrement c'est c'est quand en Angleterre ça s'essouffle, qu'en France il y a une remontée comme quoi on est toujours en retard, quoi. Après la contestation en France, on a quand même Léo Ferré. On a dans ces époques-là, on a Léo Ferré, on a Brel, on a Brassens, on a Ferrat, voilà, de la chanson à texte, voilà. Oui, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Je rappelle que là, du coup, Franck nous parle de politique et musique, et notamment à partir du mouvement punk. Donc, même si vous n'avez pas forcément entendu son intervention, vous pouvez poser des questions, il peut revenir sur des points... Oui, je voulais savoir du coup maintenant au niveau de la censure s'ils étaient redescendus en pression en Angleterre. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui une chanson comme The Day That Thatcher Dies pourrait sortir en Angleterre? Parce que je crois que c'était ultra violent quand même, où t'avais, je crois que le refrain c'était quand même des gamins qui chantaient Ding Dong, la vieille sorcière est morte, quoi. Franchement, je me suis pas intéressé à la question, mais je pense pas que la censure elle est c'est vraiment dans les années 80 qu'en Angleterre s'est mis s'est mis en place des appareils qui pour éviter justement qu'il y ait toute contestation qui passe à travers les médias. Vraiment, c'est une partie dont je voulais traiter la semaine prochaine. Donc on en reparlera si tu veux. Et là, je ferai un truc plus carré parce que c'est vraiment quelque chose de bizarre qui s'est passé parce que c'est comme tout mouvement, il y a un problème là, je crois, avec le ouais non, mais j'en parlerai mieux la semaine prochaine parce que j'ai vraiment un truc à caler dessus quoi. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, la censure, à part mettre de la soupe musicale, voilà quoi. Oui, ça marche très bien. Donc, il y a une autre question là. Les personnes qui n'ont pas pris la parole encore, n'hésitez pas aussi à poser des questions. Non, ben juste, tu avais parlé d'influence reggae. Et juste, du coup, si tu as aussi des artistes à citer par hasard ou pas du tout, histoire que je prenne des notes. Si t'en as pas, tant pis. Hein. J'en ai. Dans la mouvance post-punk, je suis nul en anglais. Hein. C'est a certain ratio. T'as the special. T'as madness. Bizarrement, je dirais UB40, mais vraiment au début. Et The Beat. Voilà, ça c'est les quatre gros qui ont émergé de la fusion du rare et du mouvement de protestataire reggae. Voilà. Donc est-ce qu'il y a d'autres questions Kevin, t'avais une question? N'hésitez pas vraiment à poser des questions, hein, au contraire, ça nous apporte tous des choses. Oui. Et dans les groupes punk 76-77, est-ce que il y en avait qui étaient des vrais, c'était que des boys bands, ou est-ce qu'il y avait vraiment un vrai punk quoi? Bon, après non, il y en avait. J'ai cité Morrissey et les Smiths, mais il y a The Exploited. Il y en a plein, il y en a tellement, mais si tu veux, tout à l'heure, je te ferai une liste, c'est pas sinon. Après, je pense qu'on se trompe quand on définit le punk. Dans le punk, il y a plusieurs émergences. Il y a vraiment plusieurs émergences. Je pense que le punk, en tout cas pour moi, c'est une façon de vivre. C'est une façon de vivre. Et après, musicalement, il y a plein d'émergences, quoi. Il y a vraiment, quand tu sais que le punk est né aux États-Unis et que c'est les Velvet Underground et les Stooges, MC5, puis après, c'est né dans les années 50. Et par contre, j'ai oublié le soliste complètement barré. Mais à écouter, mais franchement, la semaine prochaine, je vous donnerai le nom. Mais c'est un mec qui jouait tout seul dans son garage. Et puis après, il tournait, il faisait un clochard, quoi. Et il tournait, il faisait tous les États-Unis avec ses textes où il tapait autant sur les démocrates que sur les républicains. J'aime pas trop ce mot-là, mais voilà. Et en fait, quand c'est arrivé en... C'est un producteur anglais qui a vu les Stooges à New York, qui est revenu en Angleterre et qui a dit « Ah putain, ça c'est bon !» Et en fait, ce qui s'est passé en Angleterre, aux États-Unis, le mouvement punk était attiré par l'art et la littérature, et pas forcément un mouvement trop contestataire. C'est quand ce producteur anglais est arrivé à proposer ce style-là, il s'est passé un truc assez fou. C'est la crise, C'est la crise en Angleterre qui a provoqué un truc qui a fait que il y a eu une fusion. Et le mouvement punk, c'était pas il n'était pas forcément obligé d'être un mouvement contestataire. C'est juste qu'il y avait la rage, quoi. Ces jeunes-là, ils avaient la rage. Il y avait plusieurs façons de l'exprimer. Hein. Quand tu écoutes The Exploited, c'est on casse tout, il y en a marre, toute la société est barrée. Quand tu écoutes les Cure, Joy Division, c'est putain, on vit dans un monde gris et triste. Et puis quand tu écoutes Duran Duran, je suis désolé à le dire, mais ça fait partie aussi de ce mouvement-là. C'est plutôt bon, ben ok, on vit dans la merde, mais faut retirer le positif de tout ça, quoi. Le fait qu'on soit ensemble et voilà, quoi. Il y a plusieurs visions. Et en France, ce que j'ai trouvé, ce que je trouve dommage, en tout cas dans ces années-là, c'est que on a zappé une partie, on n'en a pris qu'une, le mouvement contestataire. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça n'a pas trop évolué. Et voilà, quoi. En tout cas, c'est mon avis personnel. Oui, alors au niveau du mouvement punk, ouais, je m'y intéresse aussi. Et au-delà de la contestation, je pense que le mouvement punk fait partie de ces mouvements qui sont des taches d'huile dans le paysage. Au-delà de la contestation, ça dérange, ça pose question. En ce moment, il y a The Slaves. Tu connais The Slaves ? C'est pas mal du tout, donc ça c'est récent. Et dans une de leurs chansons, ils dénoncent en fait la corruption à Londres. You're dead, dead, dead, already dead. Ils disent Londres, tu es mort. Parce qu'en fait, il y a toutes les dérives de l'argent à Londres. Ils vont peut-être pas apporter de solution, selon moi, c'est un bon exemple de ce qui peut faire tache d'huile dans la société et en quoi le mouvement punk arrive à imposer sa signature. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais bon, en même temps, là, on parle du mouvement punk, mais il y a d'autres mouvements de contestation. Il y a le hip-hop qui en est un. Après, il y a l'électro qui en est éteint, qui l'est toujours, mais bon, très toujours dans les soubassements. Mais voilà, justement, il y a la techno parade aujourd'hui, mais elle a perdu tout son sens, à mon avis. Le sens premier de la techno parade, c'était d'essayer de donner une place au mouvement électro. Sauf que les gens qui ont organisé ça sont pas allés voir les premiers, franchement, tu sais d'où ils viennent ? Ils viennent du mouvement punk. Il y a plein de groupes punk après s'être séparés qui se sont tournés vers le monde, vers l'électro, et qui ont vu dans l'électro le message que eux n'arrivaient plus à transmettre ou qui devenait trop répétitif, et donc ils se sont dirigés vers ce mouvement-là. Et tu t'aperçois que pareil, le mouvement électro, lui, il a commencé fin des années 80, début des années 90. Donc tu vois, il y a quand même une corrélation, quoi. Voilà. Quoi d'autre ? Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions ? Oui. Ça va être très large du coup, mais qu'est-ce que tu dirais de la musique, de la place de la musique dans la formation d'une identité ? Par exemple, tu peux partir sur d'autres sujets, le t-shirt, la Catalogne, par exemple. Qu'est-ce que tu dirais de la place de la musique dans la formation d'une identité ? Ça peut être des mouvements à l'intérieur d'une société comme les punks ou des trucs nationaux comme la Catalogne. Voilà. La Catalogne, parlons-en, t'as l'Estac qui est le chant révolutionnaire catalan, qui a été chanté la première fois par Louis Liac dans les années 60. Ils sont pas encore partis. Dans les années 60. En contestation contre le gouvernement Franco et voilà quoi. J'espère que je réponds à ta question. Après t'en as plein quoi. Je sais pas moi. T'as plein de chansons qui la Marseillaise à la base c'est une chanson oui tu vois. Après ça a été je sais pas moi. Tu me poses une colle. Peut-être tu veux reformuler ta question ou j'ai répondu. Il y avait aussi, je crois, dans ta question, comment ça peut jouer sur la formation de l'identité, c'est ça? Moi, ce qui a forgé mon identité à travers la musique. Ben non, mon identité, comme je l'ai expliqué au début, je l'avais déjà. La musique m'a permis d'échapper justement à quelque chose qui tournait en rond, quoi. Et aujourd'hui, oui, quand je chante, je conteste, je me bats. Les paroles que j'écris avec mes camarades, parce qu'on écrit de façon horizontale, très horizontale, parce que voilà, c'est quelque chose qui me correspond. On les écrit pour qu'elles soient comprises et à chaque fois elles ont des significations doubles, la signification de contestation, mais aussi un message à faire passer, un message politique. C'est pas des solutions, encore une fois, parce que les solutions, elles sont ailleurs, j'ai l'impression. Je sais pas où, je les cherche. Mais oui, la musique, moi, m'a permis en fait, je dirais pas me forger mon identité, mais à la mûrir. À la mûrir. Ça me fait penser parce qu'on avait eu un débat debout éducation populaire sur la musique est-elle politique. Donc il y avait des points de vue très contraires. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que non seulement il y a un point de vue politique par rapport à ce que ça montre aux autres à l'extérieur, la façon dont ça peut transformer une vision de la société, et aussi en politique, dans la transformation des individus. Parce que dans la façon dont tu réponds, c'est pas qu'en fait tu trouves ton identité dans la musique, c'est que ça te fait sortir, enfin. Ça te fait créer quelque chose. Je sais pas si c'est ça que tu disais. Si tu veux rebondir ou. Je vais pas rebondir. Je viens de me souvenir que j'avais zappé un. J'ai parlé du Red Wedge. Mais en France, on a les motivés qui se sont organisés pour les élections. Municipal, hein? À Toulouse en 2001, oui. Et leur logique, c'était ni politique, ni. En tout cas, c'était en dehors de toute politique, que ce soit droite ou gauche, ils se présentaient pour représenter le citoyen, quoi, dans leur logique. Voilà, et je trouve ça très noble. J'avais un autre point que j'ai oublié de dire aussi, c'est en France, il y a eu une réaction assez sympa. C'était avant le deuxième tour. Il y a des concerts qui se sont organisés comme ça avec Dominique A, d'autres et d'autres artistes. Là, je suis désolé, j'ai pas de mémoire des prénoms ou des noms. et pour contester justement l'arrivée au deuxième tour de Jean-Marie Le Pen. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas eu de suite à ça. C'est-à-dire, bizarrement, la musique et la contestation en France, c'est très, ça dure pas très longtemps, quoi. Ça va être sur un événement, mais pas sur une logique comme ça a pu se passer en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, malgré tout, même si on dit qu'il n'y a plus rien, il y a quand même cet engagement. Il y a pas mal de concerts de soutien à l'écologie, à d'autres. Oh putain. J'ai un peu de mal. Ouais, bon, en tout cas, il y a pas mal de concerts de soutien. Alors qu'en France. Là, je parle dans une grosse logique, hein, des gros concerts. Voilà, on a les enfoirés qui font leur spectacle. Non, mais ouais. Mais après, ça reste très indépendant, quoi. Il y a pas cette logique de faire des gros trucs, des gros événements. La fête du TC, la fête du TC. Pardon, ça c'est catalan, très catalan. C'est l'humanité catalane, travailleurs catalans, quoi, voilà. Y a la fête de l'Huma, ok, mais on n'a pas des gros événements avec les groupes qui viennent pour soutenir une cause. C'est très rare, c'est très très rare en France. En Angleterre, c'est répandu depuis les années 70 et ça continue encore et encore, voilà. Et je trouve que ça manque en France. Je trouve que ça manque en France des choses comme ça. Voilà. T'as oublié ce super concert de soutien à Ségolène Royal. J'ai un peu honte, j'ai quelqu'un que j'admire qui a participé, je suis vraiment dégoûté par ce truc-là. Je voulais revenir sur la censure, pour aller te poser une question sur est-ce qu'on censure aujourd'hui en Angleterre et tout. Je crois que c'est beaucoup plus pervers que ça. En Chine, ils censurent des trucs parce que, par exemple, les films uchroniques sont interdits en Chine. Genre, t'as pas le droit de faire un film, ah, comment ça aurait pu se passer autrement? Parce qu'ils y voient une capacité subversive de révolte sociale et de ah bah merde, on n'était pas obligé de se taper un régime pourri en fait. Mais chez nous, en fait, c'est un peu l'inverse. C'est tu as le droit de dire tout ce que tu veux parce que personne ne te lit plus. Et donc, t'as perdu cette capacité subversive. C'est tellement floudé par des Marc Lévy, par des campagnes publicitaires, par des livres pourris et du roman pourri en fait, que t'as plus besoin de censurer. C'est plus nécessaire. Et donc je trouve ça intéressant qu'on soit passé à une censure passive comme ça, une censure de floudage en fait. Et sur les propositions positives, j'ai vachement aimé ce que tu as lu sur le gars qui était vraiment pertinent par rapport au fait que la contestation tournait en rond. Et je pense que ça résume à peu près où on en est aujourd'hui au niveau politique, que ça soit au niveau de la gauche de gouvernement ou de la gauche plus radicale. On est face à une limite qui est la gauche de gouvernement ne sait plus quoi dire en contestation, donc lâche l'affaire et abandonne tout projet révolutionnaire et fait une politique de droite, ou même la gauche institutionnalisée plus contestataire qui se renferme dans un espèce de surmoi du capitalisme en disant c'est mal, c'est mal, c'est mal, en gardant la position pure de dire c'est mal sans proposition positive. Et ça, on y est confronté, et ça nous permet d'aussi parler de Nuit Debout, parce que les gens plus à gauche du PS nous en veulent un peu de pas avoir trouvé une solution que eux-mêmes n'ont pas trouvée. Et c'est un peu rigolo, ils s'en veulent à eux-mêmes à travers nous, en fait, parce qu'on peut pas aller plus loin. On essaye, mais en 4 mois, tu peux pas faire ce que des institutions qui ont 200 ans ont échoué à faire en 200 ans. Ils s'en veulent à eux-mêmes à travers nous. Et sur ces propositions positives, on y travaille. Rien de ça, pour moi, c'est une proposition positive, de permettre à des gens d'avoir un espèce de statut de conférencier, alors que ça leur est jamais arrivé dans leur vie ou des trucs comme ça. C'est vachement subversif et politique. Et je trouve ça cool, et enfin voilà, je voulais parler de ça. Ouais, qu'est-ce que je te dis? Non, après, moi ce que je. parce qu'il y a toujours un reproche. Ce que je reprocherais au mouvement punk, c'est de s'être effacé. Alors que à cette époque-là, les années 80, c'est des squats partout, une vie de quartier énorme. Alors que c'est la crise, quoi. T'as une nouvelle vie qui foisonne, un nouveau projet qui foisonne, et eux, bah, ils baissent les bras. Alors que c'était les porte-paroles de cette contre-culture, tu vois. Et d'un coup, ils baissent les bras comme ça. Et puis après, hop, il y a un truc qui ressurgit et on va utiliser le groupe, on va utiliser le parti travailliste pour de nouveau faire de la contestation, essayer de rentrer des idées socialistes. Hop, et là, boum, ça remarche pas et on s'arrête là. Franchement, aujourd'hui, les gens qui ont fait partie de ces mouvements-là, ils sont peu ou plus politisés, hein. Mais vraiment. Ils vivent dans des banlieues bourgeoises, entre guillemets, et il y en a très peu qui se reposent des questions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, quoi. C'est ou des jeunes qui se remettent, ou des anciens qui n'ont jamais arrêté, mais qui ont toujours été au sous-sol, quoi. Voilà, quoi. Et après, trouver des solutions. Ce que tu dis, hein, eux, ça fait des siècles qu'ils essayent d'en trouver une. Mais il y a peut-être à prendre toutes les énergies qui se passent, qui se traduisent par, je sais pas, comme tu dis ici, on se retrouve conférencier alors qu'on n'a jamais été. Il y a des mini-sociétés, j'appellerais ça des mini-sociétés, qui se fondent un peu, les ZAD, aller chercher, cueillir des choses qui se passent très bien et faire un état des lieux de tout ça. Pourquoi déjà on fait pas cet état des lieux-là, prendre ce qui est positif et se dire, ah ben putain, si ça marche, pourquoi on n'essaierait pas de le mettre en place et de faire un, allez, c'est un mot que j'aime pas, mais un programme politique ou politisé, on va dire, allez, voilà. Et dire, ouais, non, on veut plus de ce que vous pensez être le vrai. Nous, on a des solutions qui peuvent changer cette putain de société, pardon. Je m'excuse. Ensuite, je voulais dire. J'ai zappé ce que je voulais dire, mais peut-être que tu, en répondant directement, tu vas me. J'aime bien combler les trous. C'est pas une blague, Salas. J'aime bien ce que tu dis sur, après, les Red Wage, ils ont essayé de travailler avec le Parti Socialiste en institutionnalisant ou en parlant dans le langage déjà institutionnalisé, et ça a pas marché. Et c'est un peu une leçon pour ce qu'on a à faire ici aussi, parce que, bah, en fait, les conditions d'existence de ce qu'on est, c'est. Ça donne nos conditions d'échec, parce qu'on n'est pas visible dans le champ institutionnel classique. Mais si on essaie de le devenir, bah, c'est ce qui nous attend, en fait, le truc des Red Wedge. On va se coller au Parti Socialiste et tout, et bah, au final, on n'aura rien changé du tout avec le truc de l'intérieur, quoi. Et je pense pas que ça soit sur l'autre truc que t'as dit, baisser les bras, genre ils ont baissé les bras. C'est relié au truc de floudage dont je parlais tout à l'heure. Les années 80, c'est la création de MTV et l'arrivée de Reagan au pouvoir en même temps. Et donc, comment tu veux faire exister visiblement cette alternative lorsque t'as une publicité de masse ou une industrialisation de la culture face à toi? C'est des questions aussi qu'il faudrait se poser. C'est pas, peut-être pas qu'ils ont baissé les bras, c'est que les ennemis se sont ramés différemment. Bah, du coup, tu fais bien d'en parler parce que ils ont peut-être pas baissé les bras, ça, certainement, mais bon. Mais après, il y avait aussi le fait de le fait d'être un mouvement contestataire qui accueille beaucoup de public et tout, il y a la question de la vente des CD, la promotion. Donc derrière, tu as des producteurs. Et les producteurs, il y en a beaucoup qui en ont profité. Je vais citer un exemple, c'est les Clash. Groupe ultra contestataire jusqu'en 84, jusqu'à ce que le producteur décide de monter un album entier pour pouvoir tourner aux États-Unis et donc ramener de l'argent. Là se pose la question, le groupe des Clash pose la question au producteur et dit ah ben non, ça correspond pas du tout à nos envies, à nos attentes, donc on va faire nos propres chansons très stylisées américaines pour que ça passe quand même de l'autre côté de l'Atlantique. Et ils avaient décidé de faire une pochette assez sympa où il y a il y a un oiseau, je ne sais plus lequel, avec un signe communiste en train de bouffer un Yankee. Voilà. Donc ça montre bien la position des Clash à ce moment-là. Donc le disque est sorti en Angleterre comme ça. Mais par contre, aux États-Unis, le disque est sorti sous une autre pochette un peu plus classique. Mais par contre, la musique a bien été acceptée parce que les Américains, malgré tout, leur puritanisme et tout ça, ils aiment bien la musique contestataire malgré tout. Mais ils écoutent plus la musique qu'ils écoutent les paroles. Voilà. Oui, on arrive vers la fin de l'intervention, donc on va prendre la dernière question. Et je crois que la fanfare était venue spécialement pour améliorer tes conditions de tes conditions de passation, j'ai presque envie de dire. Non, mais c'était pour accompagner ton discours, c'était sympathique. Est-ce que du coup il y a une dernière question? Ouais. Oui, j'aurais voulu savoir si tu savais justement tous ces groupes-là, ils avaient réussi un peu à échapper à la récup, un peu à la MTV, parce que ça arrive des fois aussi avec les chansons contestataires, par exemple, je sais que le truc de Bruce Springsteen's Born in the USA, ça avait été récupéré par les Républicains, et même Bush, il le passait dans ses meetings, quoi. Justement, le premier à avoir récupéré Born... excuse-moi, je suis pas bon en anglais, c'est Reagan. Voilà, et il a fait toute sa campagne. Par contre, Bruce Springsteen, je peux te jurer qu'il était super vénère. Mais bon, voilà. La musique contestataire a été récupérée par la BBC. Hein. Il y a eu tout un programme autour de ça. Hein. Sur le moment, c'était sympa parce que... c'était contre, un peu comme, et l'émission là de, je sais plus comment ça s'appelle, Le Quotidien là. Hop, on a un truc de gauche dans Le Quotidien de Yann Barthès. Ouais, on a un truc de gauche qui critique un peu, voilà, c'est un peu ça quoi. Mais ça a été récupéré de toute façon, c'est très dur de pas être récupéré, sauf si tu restes... souterrain, voilà, et que tu tournes dans les petits milieux et tout, c'est peut-être aussi pour ça que ça a du mal à pousser. Après sinon, si tu veux devenir contestataire faire des textes super sympas, t'as des gros labels comme Sony, Vagram qui sont prêts à te faire signer, et là par contre entre le message que tu fais suivre et tout l'argent que tu empoches derrière, bon, t'as des questions à te poser. Voilà. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Je citerai pas de nom. Mais voilà. The Brian Johnson Massacre, des gars qui faisaient du rock alternatif. Il y a un gars qui était venu pour leur signer un contrat à millions. Ils lui ont juste craché à la gueule parce qu'ils étaient défoncés. Et voilà. Donc il y a un de leurs albums qui s'appelle Merci Dieu pour la maladie mentale. C'est Thank You God for Mental Illness. Ouais, non, mais c'est les spécialistes de l'auto-sabordage. Hein, parce que je crois qu'il y a plein de trucs comme ça. Je sais pas si t'as vu le film sur eux là. Avec, c'est quoi l'autre groupe? Je sais plus non plus, mais c'était un truc connu. Ah oui, les Dandy Warhols, merci. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour conclure? T'es pas obligé, hein. Ah ouais, bah tiens. Vous voulez ajouter quelque chose? Mais allez-y, hein. Après on arrête, mais vous pouvez rajouter quelque chose. En fait, il y avait que vous parlez de la maladie mentale, mais m'a collé la psychiatrie sur le dos. Je suis chanteuse et poète, je compose toutes mes chansons. Je suis croquée par la bourgeoisie, droguée, croquée. J'ai été enfermée 5 fois cette année. J'ai chanté dans la rue et m'a enfermée. Je suis sortie mercredi le 31. J'ai manifesté le premier, jeudi c'est le premier, j'ai manifesté, c'est là que je me suis cassé les bras. Ils ne m'arrêtent pas, je suis chien pour ça avec eux, et tout est bon pour moi. Et moi, j'ai une fille, j'ai acheté ma fille, mon lit est contaminé de nouveau. Une infection dans mon corps a obligé de me soigner à la base de cortisone. D'une infection de mon corps, le lit est contaminé. Ils ont acheté ma fille, elle a la clé, elle a fait tout ce qu'elle avait. Mais je suis une victime. J'ai composé toutes mes chansons, écouté la radio portugaise. 9.8.6. Je défile le déjeuner, mais sous d'autres noms. Sous des faux noms. Je peux vous dire sur la psychiatrie, j'ai composé là-dessus. La psychiatrie, elle est très bien. Vive la psychiatrie. Ça permet de fermer la gueule aux ouvriers et de remplir les postes à la bourgeoisie. Est-ce que tu veux qu'on conclue là-dessus? Ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Très bon texte, en tout cas. Très bon texte. Encore un autre texte? Moi aussi, j'en ai... Bon, alors, on va conclure. Si vous voulez, la semaine prochaine, je parlerai justement de la censure autour de ces mouvements de contestation. Voilà. Bah, merci beaucoup. On peut t'applaudir, hein, quand même. Les conditions n'étaient pas idéales. Alors, du coup, en fait, l'intervenant qui devait suivre n'est pas là. Donc, Emilio a été assez sympathique pour nous proposer une intervention sur... Mais Kevin, tu peux l'aider aussi, non? Si Kevin ne veut pas faire un truc sur le capitalisme en général, j'ai un cours sur la Seconde République, ce qui n'a absolument rien à voir avec le thème de la journée, mais voilà. Si ça vous intéresse, sinon il y a une autre proposition d'Adèle. La Deuxième République, c'est très bien. Sinon, j'aurais parlé de dire et discours en politique, mais je pense que... J'aurai d'autres occasions de remplir des espaces vides, donc dire et discours en politique. Donc, Emilio, fais un vote. Non, fais pas de vote. Eh ben, c'est parti. Alors, donc la seule.